À l'aube, les wagons quittaient la vallée. Les gens de la plaine n'avaient pas prévu. Yannick l'a pris quelques jours plus tard, trop tard. Les mâchoires s'étaient refermées à l'aube, en un claquement. Claquement. Tressaillement le parcouru en long, en large, en travers de la gorge. Sursaut, sursaut, et sous la peau, comme des crépitements glacés. C'est en rafale. Depuis quelques heures avant la dernière messe, Yannick heurta d'une façon totalement délibérée une canette vide jonchant le sol sur son passage. Neuronaux des habitants de la plaine, jaillissement de la rafle. Allô, semelle de plomb, crépitement haché, impact criblé. Gens de la plaine n'avaient pas prévu ça. Soleil parsemé de circuits énigmatiques, gens de la plaine font et viennent, font les 100 pas. Le sommeil ne vient pas, ne vient plus, ne viendra jamais. Tu es déjà venu après tout le sommeil. La tête sur l'oreille en écrasé comme pas deux, mais les mâchoires reviennent en rêve éveillé même. Plus de fractés en lambeaux de frayeurs arrivent. Copeaux de misère envoyés depuis là-haut par le roi des cieux. Celui-là ils le retiennent, eux, gens de la plaine. Au milieu des prés embrasés, en couchant. Celui-là, ils le retiennent, eux, les gens de la plaine. Et Et Annec l'a pris quelques jours plus tard. Trop tard. Yannick, suis alors que j'aimais rien, jamais, ne serai jamais plus, jamais, jamais plus comme avant, comme avant, jamais plus comme avant, comme avant, premier tour. Alors, on parle un peu du groupe. La Lancia a paru en automne 2001, rendait ses dernières armes. Le bug n'était qu'un lointain souvenir, la conquête spatiale continuait sans progression. Toujours plus loin, toujours plus vite. Ce nom aux résonances hispaniques vient d'une baie, celle de Santiago de Cuba. Une certaine barque pourrie continue aujourd'hui ses trajets monotones. Une nouvelle guerre approche aussi à grands pas. D'abord, duo puis trio, la formation a trouvé son âme avec l'arrivée de Myriam et de son violon. Une idée était claire, dès le début, il fallait repousser certaines limites. Les premières créations se sont alors finalisées, enregistrées début 2002 sur une première démo réalisée par Anthony Gatta au Contact. Mais vient le temps des premiers concerts. Du troisième type, un nom de style aussi, Free Rock. Deux mots rencontrés au long d'une même route, celle qui mènera un jour peut-être vers une forme d'intensité limite. L'automne 2002 a vu la création d'un site internet, s'y côtoie création textuelle, hybride et visuelle, Diffract. Le site est http://membre.licos.fr/LaLancia Musique. La Lancia tourne aujourd'hui entre Lyon et Saturne, prolétaire et fatalement cronenbourgeois. Il voit l'avenir dans une goutte de vodka dissous Un long crash sans fin vers 7e ciel, continuez à creuser des souterrains en attendant la prochaine mutation.